La prise de contact avec l'esprit, partie 2 de 3. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! La prise de contact avec l'esprit a pour finalité à ce que l'individu intègre totalement cette partie de lui-même en procédant à des ajustements créatifs dans sa vie. Ça peut être des ajustements au niveau du travail, comme par exemple, au lieu de travailler 80 heures par semaine, travailler moins de temps pour avoir une plus grande qualité de vie et avoir plus de temps de disponible dans son existence pour faire le vide. Parce que pour toucher à de la conscience, à de l'esprit, il faut avoir de l'espace pour faire le vide dans sa vie. Autrement dit, pour être en mesure de ressentir, de percevoir une communication interne. Parce que si on est toujours occupé à courir à droite et à gauche pour travailler, ou on est toujours en voyagement en auto, ou si on est toujours dans l'action, il n'y a pas de réceptivité suffisamment grande chez l'individu, tout au moins au début du processus, pour percevoir l'esprit et faire la distinction entre autres entre ce qui vient de l'esprit, ce qui est des entités que j'appelle autres, comme par exemple des entités de gens décédés qui tentent parfois d'influencer l'individu. Donc au début, ce qui peut arriver, c'est qu'il peut être utile à l'individu de prendre un temps d'arrêt dans sa vie pour faire le point, pour se repositionner en fonction de cette présence intérieure qui peut-être jusqu'alors, jusqu'au moment du premier contact, ne soupçonnait même pas l'existence. Donc, autrement dit, pour certains, c'est un choc de réaliser qu'à quelque part, ils sont animés d'une présence et que ça leur parle dans la tête. Donc, les gens qui s'imaginaient être au contrôle de leur vie et il ne suffisait que de travailler, gagner de l'argent et avoir des habits et faire des voyages pour que leur vie soit réglée, et bien, ils réalisent que c'est pas juste ça, la vie. Et c'est un choc pour beaucoup de gens. Entre autres de réaliser à travers la communication avec l'esprit que votre agenda dans votre vie, c'est pas vous autres qui le contrôlez, mais c'est lui à partir de ses paramètres. Autrement dit, si l'esprit juge que c'est plus intelligent que vous perdiez un gros montant d'argent à la loterie, eh bien, il va s'organiser pour pas que vous gagniez. Autrement dit, si on prend votre volonté en tant qu'ego, en évolution sur Terre, vous pouvez avoir comme but dans votre vie de faire de l'argent, donc de devenir très riche, de devenir multimillionnaire. Et pour y arriver, bien, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez. Donc, ça peut être de travailler 40 heures, 80 heures par semaine pour mettre le plus possible d'argent de côté, de faire des placements et suivre une trajectoire linéaire qui va vous permettre de vous enrichir et d'éventuellement d'avoir une grosse voiture, une grosse maison et peut-être même un chalet en Floride. Donc ça peut être un objectif de vie d'un ego en évolution. Alors que l'esprit, son but, c'est pas nécessairement que vous fassiez de l'argent. Son but, c'est que vous évoluez. Donc l'esprit va chercher, à travers des manipulations d'événements, à vous amener à avoir un ego qui est équilibré. Surtout si vous êtes appelé à vivre la fusion avec lui dans cette vie-ci, eh bien, l'esprit va agir d'une manière à vous amener à toucher à sa conscience et à intégrer son point de vue sur la réalité. Si l'esprit veut vous amener à avoir comme point de vue sur la réalité qu'il est important de respecter les autres, ben, il peut vous amener à vivre une rupture amoureuse dans laquelle vous allez souffrir. Parce qu'il va vous amener à être en contact avec quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance au respect. Donc, si vous manquez beaucoup de respect, bien, cette personne-là, si elle est très affirmée, elle va vous contester, elle va vous remettre en question et vous allez être obligé de vous réajuster en fonction de donner une plus grande qualité de respect. Donc, ça, c'est des ajustements de l'ego qui doivent être faits. L'esprit vous ajuste comme on va ajuster, par exemple, un instrument de musique. Donc, une corde, pour qu'elle fonctionne bien sur un manche de guitare, eh bien, il faut qu'elle soit suffisamment tendue. Si la corde n'est pas assez tendue, eh bien, elle ne pourra pas donner la note désirée. Si la corde est trop tendue, eh bien, éventuellement, elle va casser. Et c'est la même chose pour vous. C'est-à-dire que l'ego, il faut qu'il y ait un point d'équilibre. Si ça se sous-évalue, eh bien, souvent, il va être passif, il ne se mettra pas en action parce qu'il va dire « Ah, je ne suis pas capable de faire ci, je ne suis pas capable de faire ça. » Donc, il ne bougera pas. Si l'ego se surévalue, eh bien, à ce moment-là, il va s'imaginer qu'il est capable de faire des choses qu'il n'est pas en réalité. Il va se prendre comme étant, il va s'imaginer être plus important que les autres. Donc, si l'ego, vous voyez, c'est pas évident. Donc, ça prend un juste point d'équilibre, un peu comme la corde de l'instrument de musique. Je parlais de guitare, mais en réalité, ça peut être la même chose pour une harpe, un violon. Donc, la corde doit être suffisamment ajustée. Ni trop, ni pas assez. Et c'est le travail de l'esprit. L'esprit peut amener des réajustements continuels dans votre vie. Lorsque le contact s'établit consciemment avec lui, eh bien, ce qui arrive, c'est que vous le voyez faire et vous pouvez parler avec lui. Alors que lorsque vous n'étiez pas conscient de l'esprit et que vous imaginez que vous étiez au règne de votre vie en contrôle, eh bien, à ce moment-là, il n'y avait pas de communication avec lui puis vous viviez seulement en fonction de l'ego et des désirs de votre ego. Alors que lorsque le contact s'établit avec lui, bien, vous êtes obligé de tenir compte de lui dans l'équation. Donc, ça change la dynamique. Autrement dit, avant de faire un mouvement, comme par exemple s'acheter une maison, changer d'emploi, s'acheter une voiture, donc un mouvement important, vous pouvez, lorsque vous ouvrez la communication avec lui poser la question « Es-tu intelligent de faire ça? » Lorsque l'individu établit une communication avec l'esprit, eh bien, ça lui permet de savoir des choses qu'il n'a pas nécessairement accès d'une manière intellectuelle. Autrement dit, l'esprit donne accès à des informations qui ne sont pas perceptibles par les cinq sens physiques ou l'exercice de la raison également, de l'analyse intellectuelle. Parce que lorsqu'on fonctionne en fonction d'un ego, on va souvent travailler avec la loi des probabilités. Autrement dit, si par exemple on a à effectuer un voyage, eh bien on va évaluer les probabilités d'avoir du beau temps si on fait un voyage pendant le mois de janvier dans le sud, donc les probabilités d'avoir du temps chaud à tel endroit par rapport aux années précédentes. Donc on est dans le calcul, on est dans l'analyse. Alors qu'avec l'esprit, c'est « Ah, j'ai la vibration d'aller dans le sud à tel moment. » Est-ce que c'est réel? Oui. Bon, on agit en conséquence. Donc, c'est très différent comme mode de fonctionnement. Ça va alléger l'individu parce qu'il n'aura plus nécessairement besoin de passer une quantité considérable de temps à procéder à des analyses intellectuelles. C'est sûr que l'individu qui commence à établir un contact avec l'esprit, comme il y a des risques de manipulation, d'interférence également de d'autres entités invisibles, des entités astrales, qui vont chercher à manipuler l'individu, donc des entités du monde de la mort, ça peut être des extraterrestres, ça peut être des anges, ça peut être des guides, peu importe le nom, l'appellation qu'on leur donne, eh bien comme il y a des entités qui peuvent manipuler et que l'individu a un travail de discernement à faire dans ses communications avec l'invisible, eh bien il peut être sage lors de la transition avec l'invisible de travailler encore avec l'intellectuel. Donc, un peu comme, par exemple, quelqu'un qui apprend à conduire un vélo, ça peut être utile au début de conduire avec des petites roues à côté pour se donner le temps d'établir son équilibre lorsqu'on se promène en bicyclette là, à deux roues. Donc, il y a un certain temps d'intégration qui est nécessaire. Et puis la prudence, c'est un élément qui est important lorsqu'on fait face à l'invisible. Parce que certains individus vont établir un contact d'une manière prématurée avec l'invisible lorsqu'ils vont jouer avec la planchette de Ouija qui leur sert à établir contact avec des entités. Donc il y a certains qui vont voir ça comme un jeu. D'ailleurs, il y a certains enfants en bas âge n'ayant aucune formation critique à l'égard de l'occulte qui se voit offrir en cadeau ou remettre une planchette de Ouija avec des lettres qui permettent d'établir des contacts avec des entités, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas à mettre entre des mains d'enfants qui ne sont pas expérimentés. Au même titre que, par exemple, on ne mettrait pas la vie d'un régiment de soldats entre les mains d'un civil inexpérimenté en plein cœur d'une guerre civile qui se déroule en Syrie. Autrement dit, pour aller sur le terrain de l'invisible et établir des communications sans se faire manipuler, eh bien, ça prend un esprit critique qui est développé, ça prend, à quelque part, une formation. Et cette formation-là, malheureusement, n'est pas donnée à l'époque actuelle dans les universités ou à l'école, parce que le rapport de l'être humain contemporain à l'égard de l'invisible est un peu ambigu. Parce que d'un côté, il y a des gens qui croient à l'existence de l'invisible, d'autres n'y croient pas. Donc, il y a des gens qui vont y croire et ça va donner des religieux. Et il y en a d'autres qui sont sceptiques, qui sont athées, qui sont matérialistes purs et durs et excluent de leur conscience l'idée qu'il existe d'autres formes de réalité que celle physique. Donc, on a différents paradigmes, différentes visions du monde. Et la perspective dans laquelle je vous parle, c'est bien entendu dans celle qui existe des entités dans l'invisible. Et le meilleur moyen pour réaliser cela, c'est d'être attentif aux pensées qui émergent dans votre mental et de réaliser que ce n'est pas vous qui pensez et que la pensée n'origine pas de votre cerveau. Elle n'est pas sécrétée par le cerveau comme par exemple l'estomac va sécréter des sucs gastriques et que vos intestins vont sécréter par la suite des excréments. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et la meilleure preuve à vous donner de cela, eh bien, c'est de réaliser qu'à quelque part, à tout moment de votre journée, il peut se manifester à votre conscience ce qu'on va appeler des pensées intruses, c'est-à-dire des pensées qui n'ont aucun rapport avec l'action qui se déroule. Par exemple, vous êtes en train de passer la tondeuse, vous pensez à passer la tondeuse, vous êtes attentif à ce qui se déroule, vous manipulez la tondeuse, et puis à un moment donné, il vous vient en tête l'idée de faire un voyage à Cuba, dans le sud, sans que vous ne l'ayez choisi, sans que ça ait un rapport avec l'action qui se déroule présentement, tout d'un coup, il y a une pensée qui surgit dans votre mental par rapport à ça, et c'est cette pensée qui provient d'une entité dans l'invisible qui l'a acheminé à votre cerveau. Et vous, en tant qu'âme incarnée dans la matière, vous l'apercevez. Et cette pensée-là est interprétée par le cerveau, mais n'origine pas du cerveau. C'est ce que je veux vous dire depuis tantôt. Parce que le cerveau est un peu comme un ordinateur qui va interpréter l'information qui lui est acheminée par le réseau Internet. Mais l'ordinateur n'est pas le réseau Internet, au même titre que, par exemple, un récepteur radio n'est pas la station de radio émettrice qui va émettre une onde que, par la suite, vous allez capter. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, peut passer la tondeuse et, à un moment donné, une pensée lui vient en tête de faire un voyage à Cuba et la même personne, un peu plus tard, peut être en train de magasiner un voyage pour aller à Cuba auprès d'un vendeur de voyage. Donc, il peut être dans son bureau, devant lui à son ordinateur, à regarder des forfaits pour Cuba. Et à un moment donné, il va émerger en lui la pensée « Ah, faudrait que je passe la tondeuse. » Donc, l'inverse peut arriver aussi. Et ça va être une autre forme de pensée intruse, parce que là, la personne est en train de regarder pour un voyage, discute avec l'autre personne de voyage depuis tantôt, et sans aucun lien avec logique avec les pensées qui sont en présence, une pensée qui n'a aucun rapport émerge. Et ça, c'est un exemple de manifestation de l'esprit. Et lorsque l'esprit se manifeste de plus en plus à vous, lorsque la prise de contact prend de l'ampleur, eh bien, à ce moment-là, l'esprit va œuvrer à visage ouvert, au lieu de prendre la forme d'une pensée que vous allez interpréter comme originaire de vous.